et que vive la musique de génération en génération. Papa Mbakaka, Sami Dodo Bouchamo, Papi Onokoko. Visaya musique, espira qu'après trois jours na mokili. Yango abunda kamela ta gouti à sang. Nazate sachet, koye beba kapre son ton ama belé. Fia moto fragile, tu renango sur terre inconnu. Olingi nini, hapo boucha laisse ma vie profite de ton amour. Loko la bile, hayo balei tena boutou. Espira kana frigo, no kite lo bioko makoube. Nazate imoteleo, parbonti kana vivre ba merveille ya love na yo. Kota rebu ya veyes, elinge banda apo. Salabangu, oh, na esma teta nanga. Hey, Anton Meta, chaber comme de mec. Esaïe Zingula, Papi Kocha, Arthur Mondongue, oh vivate. Nadim Vula. Tala bien l'icola, ma hauteuria va penser na yo. Oh, comme on a cerf-volant de vie nangaï. Et volé l'amour, yangwe zote pate pao. Tanga singa, benda na hauteuria va fekso na yo. Koezite te om, hapo boucha bou. Je veux, laisse-moi savourer cet amour. Richard Mies. Amour, tendresse, caresse, à l'aise. Nazate immortelio. Pardon, t'y cala vive, ba merveille, ya love na yo. Conta rebouya veyes, elinge bana, apo. Salambangu, oh, na esploite tana. Bibi, Merengi, Christophe Bengwe, Kile Maindu. Amata lobo koto bina malima avanti. Bolima malenge lokola umbamba kutu mshamu. Kama bana zoto poyo kabatma ya mode manakai. Poya mode tempo tozo minela umboyo ya viva. Hey, Olivier Bamba, vive wonga, Selim Piana. Amata lobo koto bina malima avanti. Ralenti. Comme un mioto, à canal à tissu en ressemblant, et comme une maman du monde. J'ai la masse, j'attends de Wemba. Mon toyo côté carême, avait ennemi habile iteo. Hata la voix qu'on a et puis ma qui la caresse. Kasi monte manayo, et inate bolingonana. Roman Miesi, Dom Kwete, Alexi Ohemba. Soki lela na wei apo koyeba esande yo yo yo yo yo yo esande yo yo yo yo yo yo koi ba sante nanga koi ba nzoto nanga mama tomitil makenja na kosuka wapie na koma akrona alcohol oh he dumbu nanga kwite. Solo Rita Ali Junior Museviki Saki lela na we ushabu ayeba esande yo yo yo yo yo esande yo yo yo yo yo oiba sante nanga oiba nzoto nanga na koma bongo tulo oh mawe na koma. Foin. kobusa bubla ndune Milye manguta na odete Frank Malonga na bibi kapangu Ale mobini na Canada Esidadol ya mire jambaka Jise de miel mwana mama Eve ni mangani ya Sabina mo Oh, kaiser vomelope Hey Patrick Renzo Oscar Tula na Terinko Nko Fredin Zawu Eve Bolebe Sokali Eleni Nana Home Yadam Haise Shadu Tumama Sikini Hayanga Hapo Kushabu Mwana Mama Hey Mondo Mifla Tempo Completo Zanza Gaps GF